Si l'épouse agit seule, la loi juge que c'est sans volonté suffisante. La femme elle-même peut attaquer le contrat. Mais la tutelle, n'étant plus maintenue que dans l'intérêt de l'épouse, ne rend plus le mari maître des biens du ménage, comme il l'était dans l'ancienne communauté coutumière. La communauté n'est donc plus une suite nécessaire du pouvoir marital. Elle ne résulta plus que des conventions nuptiales qui purent, au gré des parties, la restreindre ou l'exclure. Tant que les familles vivent sur leurs terres, ou mènent dans les villes une existence modeste, les dots sont faibles. Au XVIe siècle, 60 000 livres constituent une dot considérable. Ceux qui alors recherchaient les grosses dots en furent punis par les caprices impérieux de leurs riches compagnes. Pourtant, dit Montaigne, trouve le peu d'avancement à un homme de qui les affaires se portent bien, d'aller chercher une femme qui le charge d'un grand dot. Il n'est point de doute, étrangère, qui apporte le plus de ruines aux maisons. Mes prédécesseurs ont communément suivi ce conseil, bien à propos, et moi aussi. La mère d'André Lefebvre d'Ormesson reçut, en 1559, une dot de 10 000 livres. Son fils, qui nous l'apprend, dit à ce sujet que son père avait recherché le support et l'alliance plus que les richesses. Une autre famille de robes, celle des Godefroy, nous montre la progression des dots depuis le XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. En 1535, la fille de Pierre Lourdet, pourvue d'une charge dans la maison royale, apporte en dot à Léon Godefroy de Guignecourt un capital de 4 000 livres tournois, un demi-arpent de vigne à Antony, le quart d'une maison rue de la Bûcherie, quelques menues rentes, 400 livres de biens meubles et 2 robes, l'une d'escarlate, l'autre noire. Le contrat lui assure un douaire de 160 livres de rente, s'il a enfant, de 200 au cas contraire, rachetable sur le pied du dernier 10. En 1610, Théodore Godefroy épouse Anne Janvier, fille d'un conseiller secrétaire du roi, et celui-ci lui apporte 6 000 livres tournois. Son fils se marie en 1650 avec la fille d'un écuyer, Geneviève Desjardins, dont la dot considérée comme modique est évaluée à 14 000 livres. Il est vrai que dans ce chiffre ne figurent que 4 000 livres d'argent comptant. Des rentes diverses, des meubles, du linge, de la vaisselle forment le reste de la dot. En 1687, la fille de ce Godefroy, Marianne, a 10 000 livres de dot, plus 1 000 livres de meubles et de hardes qui lui appartiennent. Chacun des époux met un tiers de son apport dans la communauté. Un préciput de 1 200 livres en denier ou meubles est réservé au prémourant. La veuve aura un douaire de 400 livres de rente et l'habitation dans la maison seigneuriale de Champagne. Alors que Marianne était toute jeune fille, un mariage manqua pour elle, faute de 1 000 écus de dot. Son frère, Jean Godefroy d'Aumont, épouse en 1694 une femme dont la dot est de 16 000 florins, que représentent des terres, des rentes et quelque peu d'argent comptant. Le contrat assure une pension à l'époux survivant. Au XVIIIe siècle, les dots sont beaucoup plus considérables. En 1720, Claude Godefroy de Marchais, frère de Marianne et de Jean Godefroy, s'unit à une fille de robe qui lui apporte avec une dot de 36 000 livres provenant de la succession paternelle et de ses épargnes 15 000 florins, que sa mère lui donne en avancement d'hoirie. Comme son fiancé, elle met 18 000 livres dans la communauté. Le survivant pourra prélever sur les meubles un préciput de 6 000 livres en argent ou en nature à son choix, et après estimation. Si c'est la femme, elle retirera en plus ses habits, linge et bijoux, et aura un douaire de 1 500 livres de rente. En 1769, la fille de Godefroy de Maillard a une dot de 150 000 livres en meubles et en immeubles. Ces divers contrats sont d'autant plus curieux que certains d'entre eux nous offrent la combinaison de la communauté coutumière et de la dotalité romaine. Nous avons remarqué que c'est une famille d'Europe qui nous a offert, avec ses contrats, les chiffres qui établissent la progression des dots, du XVIe siècle au XVIIIe. Dans la noblesse de cour, sous Louis XIV, une dot de 60 000 francs, cette dot qui était considérable au XVIe siècle, est regardée comme bien modique. On voit des dots de 200 000, 300 000, 400 000 francs. Mais ces grosses dots sont néanmoins des exceptions. Aussi les filles qui les apportent sont-elles ardemment convoitées à cette époque où le luxe de la vie des cours entraîne aux folles dépenses. Le gentilhomme endetté recherche l'héritière. Une fille laide, bossue, mais grandement dotée, trouve non seulement un mari, mais un ravisseur. Un jeune homme épousera une vieille femme riche, quitte à la maltraiter si elle ne meurt pas assez vite, après l'avoir enrichie et l'avoir délivrée de ses créanciers. En général, cependant, c'est plutôt par ambition que par avarice que les gentilshommes se marient au XVIIe siècle. Et aussi, ils cherchent, comme au XVIe siècle, le support et l'alliance. Mais c'est surtout pour parvenir plus rapidement aux honneurs. L'aide est contrefaite. Mademoiselle de Roquelaure avait été enlevée par un Rohan qui convoitait sa dot. L'aide est contrefaite. La fille du duc de Saint-Simon est recherchée par un prince de Chimay, qui épouse en elle le crédit de son père. Cruellement vilaine, était la seconde fille de Chamillard. Et cependant, le pouvoir d'un père ministre lui donna un attrait, qui fit d'elle une duchesse de la Feuillade. Il est vrai que si le mari qui lui apportait ce titre avait une laideur plus agréable que la sienne, il était plus affreux au moral qu'elle ne pouvait l'être au physique. Ajoutons cependant qu'au XVIIe siècle et au XVIIIe, dans la chasse au mari, les parents des filles à marier se montrent plus âpres encore que les hommes à marier. Pour établir une fille, surtout quand elle est peu ou point dotée, que de calculs, que d'intrigues. Un homme fût-il vieux, infirme, laid, à faire peur, fût-ce un brutal, un libertin, un pillard, un déserteur, c'est un mari que recherchent les plus illustres familles, surtout s'il est duc, si sa femme doit avoir tabouret à la cour. Pour ne point manquer un parti, on fiance et l'on marie une enfant. La plus riche héritière de France, Marie d'Allègre, est fiancée à 8 ans au marquis de Seignelay. Il y a des mariés de 12 ans, de 13 ans. La duchesse de Guiche, fille de Madame de Polignac, sera mère à 14 ans et 1 mois. Il y avait de 6 petites mariées qu'il fallait les porter à l'église. On les prenait au col. C'est ainsi que la fille de Sully fut menée en 1605 au temple protestant. « Présentez-vous cet enfant pour être baptisé ?» demanda malicieusement le ministre Moulin. Au siècle précédent, Jeanne d'Albret avait ainsi été portée à l'autel, bien qu'elle fût d'âge à pouvoir marcher. Brantôme prétend qu'elle en était empêchée par le poids de ses pierreries et de sa robe d'or et d'argent. Mais cette petite fille de 12 ans, que l'on avait fouettée tous les jours pour obtenir son consentement à son mariage, et qui, avec une énergie précoce, avait publiquement protesté contre la violence qui lui était faite, pouvait avoir des motifs particuliers pour ne point aller librement à l'autel. « Madame, votre fille est bien jeune, » dit Louis XIV à la duchesse de La Ferté, qui lui soumet un projet de mariage pour cet enfant âgé de 12 ans. « Il est vrai, sire, mais cela presse, parce que je veux monsieur de Mirepoix, et que dans 10 ans, quand votre majesté connaîtra son mérite et qu'elle l'aura récompensé, il ne voudrait plus de nous. » En narrant cet épisode à sa fille, Madame de Sévigné ajoute « Voilà qui est dit. » Sur cela, on veut faire jeter des bancs, avant que les articles soient présentés. Dans d'autres lettres, la spirituelle marquise parle de cet enfant de 12 ans, toute disproportionnée à ce roi d'Éthiopie. La petite enfant pleure. « Enfin, je n'ai jamais vu épouser une poupée, ni un si sot mariage. N'était-ce pas aussi le plus honnête homme de France ?» Trop heureuse encore, la petite fille, que l'on ne mariait pas à un vieillard perdu de vice. Bien des fois, le marié est lui-même un enfant. Lorsque Mademoiselle de Montmirail, âgée de 15 ans, mais déjà en plein développement de force et de beauté, épouse Monsieur de La Rochefoucauld, frêle enfant de 14 ans à peine, le pauvre petit marié, tout en se mettant sur la pointe des pieds, n'atteint pas à l'épaule de sa belle fiancée. Et l'exiguïté de sa taille fait d'autant plus rire les assistants que les 100 Suisses, qui figurent à la fête nuptiale, sont pour le moins hauts de 6 pieds. Plus comique encore fut ce petit prince de Nassau, marié à 12 ans, à Mademoiselle de Montbarret, qui en avait 18, tandis qu'un poète célébrait dans un épithalame les transports de l'heureux époux, celui-ci, furieux d'être marié, repoussait sa femme avec une brusquerie d'enfant mal élevée, et exaspéré d'être un objet de curiosité, pleurait du matin au soir. Le marié ne voulut pas danser avec sa femme au bal. Il fallut lui promettre le fouet s'il continuait à crier comme une chouette, et lui donner au contraire un déluge d'aveline, de pistaches, de dragées de toutes sortes, pour qu'il consentît à lui donner la main au menuet. Il montra une grande sympathie pour la petite Louise de Dietrich, jolie enfant, plus jeune encore que lui, et retournait auprès d'elle aussitôt qu'il pouvait s'échapper. Lorsque des enfants étaient ainsi mariés, on ne les réunissait que plus tard à leur conjoint. On connaît la jolie histoire du duc de Bourbon, l'amoureux de 15 ans, qui enlève du couvent sa jeune compagne. Bien qu'au XVIIe siècle, on recherche plus dans le mariage l'alliance que la fortune, nous avons vu que le faste de la cour rendait plus nécessaire que jamais le besoin d'argent. Alors déjà, il y a des unions vénales qui deviendront de plus en plus nombreuses dans le XVIIIe siècle. Les filles nobles, n'étant guère dotées pour la plupart, on se rabat sur les filles de la robe, on descend jusqu'aux filles de la finance. Quelle proie que ces dots qui varient de 400 000 livres à 1 million. Pour les obtenir, que de bassesse. Les plus grands noms s'allient à la finance. La fille du financier fut-elle laide, son père fut-il un escroc? La petite fille d'une fruitière, la fille d'une femme de chambre et d'un charretier enrichi devient duchesse. Elle a les honneurs du Louvre, à la cour le tabouret, sur son carrosse l'impérial de velours rouge à galerie dorée, dans sa maison le dais et la salle du dais. Elle entrera à 4 chevaux dans les cours des châteaux royaux. Le souverain l'embrassera à sa présentation. Les deuils du roi seront les siens. Lorsque le roi drape, elle a le droit de draper aussi. Une ancienne lingère, veuve d'un trésorier et receveur général, devient duchesse et maréchale, et par son dernier mariage, non reconnu il est vrai, femme d'un roi de Pologne. Dans une lettre adressée à sa fille, Madame de Sévigné dit de son fils « Je lui mande de venir ici. Je voudrais le marier à une petite fille qui est un peu juive de son estoc, mais les millions nous paraissent de bonnes maisons. » Malgré son orgueil, Madame de Grignan était absolument de l'avis de sa mère. Les millions lui paraissent de très bonnes maisons, et elle marie son fils à la fille d'un financier, Mademoiselle de Saint-Amand. Madame de Grignan, en la présentant au monde, en faisant ses excuses, et avec ses minauderies en radoucissant ses petits yeux, disait qu'il fallait de temps en temps du fumier sur les meilleures terres. Nous savons que pour épouser une noble héritière, un prince ne reculait pas devant un rapt. De même, un gentilhomme enlèvera la fille d'un ancien laquais, devenu trésorier général, une enfant de 12 ans. Pas plus pour les filles de la finance que pour celles de la noblesse, l'âge ne saurait être un obstacle aux vues intéressées de leurs poursuivants. Un fils de duc, un Villard Brancas, âgé de 33 ans, a une fiancée de 3 ans. C'est la fille d'un ancien possier, André le Mississippicien. Pour toucher la dot, le fiancé n'attend pas que la fiancée ait l'âge des épousailles. Il reçoit immédiatement 100 000 écus, comptant. Une pension de 20 000 livres lui sera payée jusqu'au jour du mariage. En cas de rupture, il ne restituera rien. La dot définitive promise pour le jour du mariage devra se chiffrer par millions. Mais, dit Saint-Simon, l'affaire avorta avant la fin de la bouillie de la future épouse, par la culbute de l'eau. La fiancée fut délaissée, mais les acomptes de la dot restaient aux Brancas. La vanité des familles de robe ou de finance s'accordait merveilleusement, du reste avec la rapacité des grands seigneurs. Les jeunes filles, les veuves recherchent avec passion le titre qui fait d'elles des femmes de la cour, et pour l'obtenir, ce titre, elles ne reculent ni devant les dégoûts de l'âge ou de l'infirmité, ni devant les exemples peu encourageants que leur offrent celles de leurs égales, qui ont tenté même aventure, et qui, plus d'une fois, ont eu à essuyer les dédains de leur nouvelle famille. Une femme de la robe marie sa fille avec 500 000 francs de dot à un être souillé. Mais c'est un duc, et un duc, fût-il estropié à ne pouvoir marcher, un duc se vend très cher. Toutes les bourgeoises, heureusement, ne pensaient pas comme cette mère. Lorsque Mademoiselle Croza va devenir princesse par son mariage avec le comte d'Évreux, sa grand-mère maternelle prévoit les tristes suites de cette alliance. Et au milieu de l'énivrement des siens, elle garde une réserve modeste, dont la fière dignité impressionne jusqu'au plus orgueilleux des ducs, Saint-Simon. Comme Madame Jourdain, elle aurait pu dire « Les alliances, avec plus grand que soi, sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point qu'un gendre puisse à ma fille reprocher ses parents, et qu'elle ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. S'il fallait qu'elle me vînt visiter en équipage de grande dame, et qu'elle manquât par mégarde à saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire sans sottise. Voyez-vous, dirait-on, cette madame la marquise, qui fait tant la glorieuse, c'est la fille de Monsieur Jourdain, qui était trop heureuse, étant petite, de jouer à la madame avec nous. Elle n'a pas toujours été si relevée que la voilà, et ses deux grands-pères vendaient du drap auprès de la porte Saint-Innocent. Ils ont amassé du bien à leurs enfants, qu'ils paient maintenant, peut-être, bien cher en l'autre monde. Et l'on ne devient guère aussi riche, à être honnête gens. Je ne veux point tous ces caquets. Et je veux un homme, en un mot, qui m'ait obligation de ma fille, et à qui je puisse dire « Mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi. » Ce n'étaient pas seulement les gentilshommes qui épousaient des filles de robe ou de finance. Les hommes de robe et les financiers épousaient eux aussi des filles nobles et pauvres. Ces mésalliances, il est vrai, étaient plus rares, parce que si le gentilhomme gardait son titre, la femme perdait le sien. Aussi, quel cuisant chagrin pour l'amour propre de ces jeunes filles! Quel dédain pour les familles qu'elles honoraient de leur alliance! L'une d'entre elles épouse le fils d'un laquais. Une jeune fille de grande maison est sacrifiée à un magistrat octogénaire. La première femme de Samuel Bernard était la fille d'une faiseuse de mouches. Les deux autres sont de noble race, et il a plus de 70 ans lorsqu'il épouse la dernière. Les filles de la noblesse pauvre n'étaient pas les seules que l'on jetait dans les familles de la finance. Madame de Soyecourt veut laisser sa fortune à ses fils. Pour marier sa fille sans dot, elle l'unit au fils d'un homme méprisé mais riche. La Providence la châtie en permettant que, dans une bataille, ses fils soient tués tous les deux. Le nom et les biens de ces vaillants jeunes gens passent dans la descendance plébéienne de leur sœur. Spectacle qui indigne Saint-Simon. Il arrivait qu'un financier, en épousant une fille noble, lui reconnaissait une dot et lui fixait un douaire. Par ces mésalliances, les positions sociales se mêlent sans cependant se confondre. Le président, le coigneux, qui, disait-on, avait un potier d'étain pour ancêtre, tenait par ses alliances à une tête couronnée et à un apothicaire, dont les gelées de groseille étaient recherchées. De la race de l'apothicaire sortira une princesse de Lorraine. Le besoin d'argent a réconcilié la noblesse avec la roture, dit la Bruyère, et a fait évanouir la preuve des quatre quartiers. Il y a peu de familles dans le monde qui ne touchent au plus grand prince par une extrémité et par l'autre au simple peuple. L'amour aussi produisait des mésalliances. Le cardinal de Richelieu, léguant son titre de duc à son petit-neveu, Armand de Vignerode, et à la descendance de celui-ci, disait dans son testament « Je défends à mes héritiers de prendre alliance en des maisons qui ne soient pas vraiment nobles, les laissant assez à leur aise pour avoir plus égard à la naissance et à la vertu qu'aux commodités et aux biens. » Le nouveau duc de Richelieu contracta une alliance noble, il est vrai, mais disproportionnée à son âge et aux ambitions de son rang. Son frère épousa, lui, la fille d'une femme de chambre de la reine, Anne. La duchesse d'Aiguillon, tante et tutrice des petits-neveux de Richelieu, fut douloureusement blessée de leur mariage. « Mes neveux vont de pis en pis, disait-elle. Vous verrez que le troisième épousera la fille du bourreau. » L'amour, sentiment rare dans les alliances matrimoniales, apparaît surtout dans les mariages clandestins, que le monde et les tribunaux même traitaient avec d'autant plus d'indulgence que l'on ne savait que trop quelles dures contraintes les parents faisaient peser sur leurs enfants pour les marier au gré de leurs ambitions. L'amour apparaît aussi meurtri et sacrifié chez ces princes, chez ces princesses qui ne peuvent, elles surtout, écouter la voix du cœur. Ne parlons pas de la grande mademoiselle qui, pour son malheur, semble avoir pu épouser en secret le gentilhomme à qui le roi lui-même n'avait pu la marier publiquement. Jetons un regard sur un autre spectacle. Une nuit d'été, dans le parc de Saint-Cloud, au-dessus de la cascade, un jeune homme, une jeune fille, la plus belle créature que Dieu ait faite, sont agenouillés l'un près de l'autre. Le jeune homme a noblement refusé le sacrifice que la jeune fille voulait lui faire en l'épousant. Il lui a juré de ne se marier jamais et d'aller se faire tuer à l'armée. À son tour, elle lui fait un serment. C'est de quitter la cour et de prendre le voile. Il lui baise la main en pleurant. Tels sont les adieux qu'échangent une fille du régent et monsieur de Saint-Mexante. Elle est devenue abbesse de Chelles, et il a reçu un boulet dans la poitrine, un boulet espagnol. Il n'avait pas 20 ans, disait 68 ans plus tard un ami de monsieur de Saint-Maxente, un vieux roué de la Régence, et qui, malgré le cynisme habituel de son langage, s'attendrissait au souvenir de ce pur amour. Vers la fin de ce même 18e siècle, la princesse Louise Adélaïde de Bourbon-Condé, unie par une tendre affection au marquis de la Gervaisais, s'effraye lorsqu'elle sent que cette amitié est devenue de l'amour. Elle dit un dernier adieu à celui qu'elle aime. Mais comme le fait remarquer l'éditeur de ses lettres intimes, elle offrit à Dieu non un cœur tout palpitant d'une affection humaine, mais un cœur qui avait consommé jusque dans les dernières profondeurs l'immolation de son amour. Ce cœur était digne d'être un holocauste. Dans notre siècle, la princesse devint la fondatrice des bénédictines du temple. De tant de mariages qui se contractent tous les jours, combien en voit-on où se trouve la sympathie des cœurs ? demande Bourdaloue, qui déclare énergiquement que les mariages contractés sans attachement produisent de criminels attachements sans mariage. Il fallait des parents chrétiens comme les Noailles pour demander à leur fille si son cœur ratifiait le choix qu'ils avaient fait de son époux. Écoutons l'accent ému avec lequel le maréchal de Noailles annonce à sa vieille mère qu'il a fiancé sa fille au comte de Guiche. Je vous prie de demander à Dieu d'y mettre sa bénédiction. Je n'ai jamais demandé aucun mariage à Dieu particulièrement, mais seulement celui qui serait le meilleur pour le salut de ma fille et pour le nôtre. C'est ce qui me fait croire que c'est sa volonté et qu'il bénira mes bonnes intentions. Je vous prie de le bien demander à Dieu. Après avoir proposé à ma fille tous les jeunes gens à marier, et même à ceux qui nous ne prétendions pas, elle nous dit à sa mère et à moi qu'elle aimait mieux Monsieur le comte de Guiche et Monsieur d'Enrichemont, et de ces deux derniers le comte de Guiche. Elle s'est mise à pleurer lorsque nous lui avons dit la chose et a témoigné une modestie et une honnêteté dont tout le monde a été très content. Vous l'auriez été fort si vous l'aviez vu. L'auteur des mariages dans l'ancienne société française, M. Émile Bertin, a trouvé ce document dans le recueil des lettres concernant la famille de Noailles, à la Bibliothèque nationale. Le cœur se repose quand, au milieu de tous les scandaleux agissements qui font d'un lien sacré un marché, l'on entend cette voix paternelle qui considère dans le mariage le bonheur et la sanctification des époux. Et même dans un milieu moins imprégné de la pensée chrétienne, lorsque l'on voit une jeune fille, non plus sacrifiée à l'orgueil de sa famille, mais trouvant dans son mariage la réalisation de ses vœux, on conçoit le ravissement avec lequel Madame de Sévigné contemple ce charmant spectacle. La cour est toute réjouie du mariage de Monsieur le prince de Conti et de Mademoiselle de Blois. Ils s'aiment comme dans les romans. Le roi s'est fait un grand jeu de leur inclination. Il parla tendrement à sa fille et l'assura qu'il l'aimait si fort qu'il n'avait point voulu l'éloigner de lui. La petite fut si attendrie et si aise qu'elle pleura. Le roi lui dit qu'il voyait bien que c'est qu'elle avait de l'aversion pour le mari qu'il lui avait choisi. Elle redoubla ses pleurs. Son petit cœur ne pouvait contenir tant de joie. Le roi conta cette petite scène et tout le monde y prit plaisir. Pour Monsieur le prince de Conti, il était transporté. Il ne savait ni ce qu'il disait, ni ce qu'il faisait. Il passait par-dessus tous les gens qu'il trouvait en chemin pour aller voir Mademoiselle de Blois. Madame Colbert ne voulait pas qu'il la vît que le soir. Il força les portes et se jeta à ses pieds et lui baisa la main. Elle, sans autre façon, l'embrassa et la revoilà à pleurer. Cette bonne petite princesse est si tendre et si jolie que l'on voudrait la manger. Le comte de Gramont fit ses compliments, comme les autres, au prince de Conti. « Monsieur, je me réjouis de votre mariage. Croyez-moi, ménagez le beau-père, ne le chicanez point. Ne prenez point garde à peu de choses avec lui. Vivez bien dans cette famille, et je réponds que vous vous trouverez fort bien de cette alliance. » Le roi se réjouit de tout cela, et marie sa fille en faisant des compliments comme un autre à monsieur le prince, à monsieur le duc et à madame la duchesse, à laquelle il demande son amitié pour mademoiselle de Blois, disant qu'elle serait trop heureuse d'être souvent auprès d'elle et de suivre un si bon exemple. Il s'amuse à donner des transes au prince de Conti. Il lui fait dire que les articles ne sont pas sans difficulté, qu'il faut remettre l'affaire à l'hiver qui vient. Là-dessus, le prince amoureux tombe comme évanoui. La princesse l'assure qu'elle n'en aura jamais d'autre. Cette fin s'écarte un peu dans le Don Quichotte, assure la railleuse marquise, mais dans la vérité, il n'y eut jamais un si joli roman. Roman qui devait avoir un triste et prosaïque dénouement. Si la tendresse, basée sur l'estime, est une condition essentielle du mariage, il est dangereux d'apporter dans ce lien sacré les illusions passionnées, romanesques, que la réalité vient trop souvent détruire. Peut-être serait-il moins périlleux de ne ressentir qu'une indifférence que pourrait faire fondre cette communauté d'existence et cette mutuelle estime qui produisent à la longue de solides attachements. Avant le mariage, on exposait les dons qu'avait reçus la mariée. On va voir, comme l'opéra, les habits de Mademoiselle de Louvois. Il n'y a point d'étoffe dorée qui soit moindre que de 20 louis l'aune. Quand une autre fille de Louvois épouse le duc de Villeroy, on expose pendant 2 mois les superbes dons nuptiaux. Les Louvois marient-ils leur fils, Monsieur de Barbezieux, les souvenirs qu'ils offrent à la fiancée. Mademoiselle d'Uzès valent plus de 100 000 francs. Dans un contrat de 1675, la corbeille de mariage donnée par le sire de Lalande comprenait, avec une splendide croix de diamants et une montre marquant les heures et les jours du mois, des pièces d'argenterie. une tapisserie d'hôte lisse, pour une chambre, une tapisserie de cuir doré pour une autre, des meubles et même un attelage. Monsieur de Lalande ajoutait également à l'apport de sa fiancée cette belle corbeille, dans laquelle les pièces de ménage et le carrosse à deux chevaux remplaçaient les robes et les chiffons qui, au XIXe siècle, forment le luxe d'une corbeille. Le Concile de Trente avait prescrit la publication des bans avant le mariage, ainsi que la présence des témoins à la bénédiction nuptiale. L'ordonnance de Blois fit passer dans la législation française ses utiles dispositions. La solennité religieuse des fiançailles, la cérémonie nuptiale, étaient accompagnées de fêtes, qui dans les familles riches avaient parfois un grand éclat. C'étaient des festins, des bals, des illuminations. Dans des maisons plus modestes, on s'amusait fort aussi. Une lettre écrite en 1671 par un gentilhomme de la robe nous donne de curieux détails sur une noce parisienne. On danse entre le déjeuner et le souper, tous deux magnifiques, et l'on danse encore après ce second repas jusqu'à 2 heures du matin. Ce que j'ai trouvé de meilleur, ajoute le jeune invité, c'est qu'après tous les mets, dont il y avait pour nourrir 1000 personnes, on a distribué des sacs de papier pour emporter des confitures, chacun à son logis. Ce dernier trait, essentiellement bourgeois, dénote bien les habitudes de bonhomie patriarcale qui se conservaient alors dans bien des familles de robes. La mariée devait, le lendemain du mariage, recevoir sur son lit les compliments d'une foule de gens, connus ou inconnus, et qui accouraient là comme un spectacle dont l'inconvenant se révolte justement la bruyère. J'aime mieux la touchante pensée qui, à ce lendemain de noces, plaçait une fête religieuse, l'action de grâce. Dans les familles uniquement préoccupées des intérêts terrestres, c'était surtout par des plaisirs que l'on célébrait ces mariages, auxquels présidait trop souvent la vénalité, l'ambition. Mais dans les maisons chrétiennes, où l'on veillait avant tout à unir deux âmes immortelles, les fêtes nuptiales cédaient le pas aux graves enseignements que des parents dignes de ce nom donnaient à leurs enfants. Avant le mariage, le père les rappelait à son fils. La mère, l'aïeul, ou à défaut de l'une ou de l'autre, le père écrivait pour sa fille ou sa petite-fille des conseils fondés sur l'expérience de la vie et qui initiaient la jeune personne au grand devoir qu'elle était destinée à remplir. Le jour même du mariage, avant le souper, la noble mère, dont j'ai déjà cité le nom, Madame la Duchesse d'Aillin, s'enferme avec sa fille, Madame de Montagu, et pour dernière instruction, lui lit des pages de cet admirable livre de Tobie, où les familles pieuses aiment à chercher leur modèle. C'est avec une émotion religieuse que le soir de son mariage, l'époux chrétien écrivait dans son livre de raison, « Fasse le ciel, que ce soit pour un heureux établissement et pour l'honneur et la gloire de Dieu, afin que s'il me donne des enfants, il soit élevé pour l'honorer et le servir ».